Salut à toutes et tous et bienvenue dans Dev & Retry, le podcast sur le développement de jeux vidéo d'un point de vue professionnel ou presque. C'est un plaisir d'être de retour après une pause estivale bien méritée, surtout mise à profit puisque cette saison 2 est riche en nouveautés, à commencer par un nouveau générique. Qu'on apprécie. On a dansé dessus. Salut Ophélie, alors attendez, notre invité arrive. Je vais vous la présenter après, salut Ophélie. Je disais donc que, avant d'entrer dans le détail de ce qui change, intéressons-nous à ce qui n'a pas changé. Cette saison encore, vous aurez le plaisir d'entendre la voix de Marie. Bonsoir. Alors, petite présentation pour les nouveaux auditeurs, peut-être, que nous avons. Je suis Marie Marquet, je suis étudiante en master à l'université Paul Valéry et j'ai sorti le jeu Montpellier Discovery cet été. Avec l'équipe de Corscope. Et félicitations. Merci. D'ailleurs, c'est le sujet de cette émission, puisque nous allons faire le post-mortem de votre projet. Nous allons y revenir. Guillain, reste à bord également. Comment tu vas? Toujours très bien, et toi? Ça va, merci. Alors, présentation. Tu veux que je me représente? Ouais. Alors, du coup, moi, c'est Guillain Desbrousse. Moi, je suis un ancien étudiant d'Artefix qui a sorti son projet Arachi, qu'il continue toujours actuellement. Je vous raconterai un petit peu mes galères pour la suite du développement tout à l'heure. Et actuellement, je continue à faire un peu d'études à côté dans le domaine de l'art à Paul Valéry où je fais un cours par semaine actuellement. Voilà. Très bien. Quant à Floris, il a terminé sa formation en game design et est retourné en sa Belgique natale. On aura peut-être l'occasion de l'avoir parmi nous lors d'une prochaine émission. On lui souhaite en tout cas le meilleur pour la suite et merci à lui d'avoir été présent sur la première saison de l'émission. Merci Floris, bonne continuation. Mais nous ne sommes pas que trois pour ce numéro de rentrée puisque Ophélie Mourier de Corscope est également présente. Salut Ophélie. Oui, bonjour. Très bien, alors tu peux nous dire ce que tu fais à Corscope? Oui, alors à Corscope je suis chargée de communication parce que j'étais en master 2 l'année dernière en formation en communication et donc naturellement chargée de com à Corscope. D'accord, merci. Et là, de l'entendre gratter à la porte, nous l'avons recueilli pour faire ce numéro de rentrée de Dev & Retry avec nous. Benjamin Dimanche. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Je suis heureux d'être le parrain de cette année, en fait. Je m'auto-proclame parrain de cette année. C'est ça. Tu es l'invité récurrent de Dev & Retry. Récurrent. Ça, ben, ce sera l'avis du vieux. Bip. Mais tu étais venu lors de la précédente saison, notamment pour l'émission sur le pitch, où Marie avait présenté le pitch de Montpellier Discovery. Donc tu es là ce soir pour le post-mortem de ce même projet. C'est ça. Finalement, ça fait sens, tu vois. Mm. Ils sont là du début à la fin. C'est ça. Quant à moi, je suis Vincent. Alors, étudiant game design, plus ou moins, on ne sait plus trop à l'heure actuelle. On reviendra là-dessus peut-être plutôt le mois prochain. Sinon, je suis également depuis peu YouTuber. Enfin, vu que j'ai sorti qu'une seule série de vidéos, je ne sais pas si je peux me proclamer YouTuber, mais du coup, je me suis lancé dans le YouTube game, comme on dit. Nous allons y revenir après. Alors, je vous propose que l'on discute de toutes les nouveautés de cette saison et d'autres choses encore après cette virgule riche en émotions. Tu as de la chance. Pour moi, les vacances s'arrêtent. Ici. Ça vient d'où ça? Alors, je n'apprécie absolument pas ça vient de Kingdom Hearts 2. Merci. Ah, on s'en serait douté. L'une des séquences les plus émouvantes de toute l'histoire du jeu vidéo. Ça mérite un petit peu de plus de respect. D'accord, je respecte énormément, tu sais. Voilà. Non, donc très rapidement, les nouveautés. D'ailleurs, bon, nouveau générique, vous avez pu l'entendre. Cette partie où l'on va discuter entre nous des nouveautés, en l'occurrence depuis la dernière émission, avant notre pause estivale, mais on va faire cette partie-là à chaque émission maintenant, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons discuter entre nous des dernières news. Le format également de l'émission plus court. Disons que l'année dernière, on a fait des émissions d'une heure, d'autres de deux heures. On s'est dit cette saison, on va faire une heure et demie. Voilà. Donc peut-être ça fera un petit peu moins, peut-être ça fera un petit peu plus, mais voilà, ça sera une heure et demie pour la moyenne. Également, le flux RSS de l'émission change, alors ce qui veut dire que si vous êtes abonné au podcast, pas de soucis, on a effectué la transition de sorte à ce que vous n'ayez pas à la faire vous, donc les émissions continueront d'arriver sur votre application de podcast, mais de notre côté, du coup, nous avons dit bye bye à PodCloud, que nous remercions pour ses bons et loyaux services, et nous sommes... Bye bye. mais nous avons rejoint, du coup, Radio Kawa, qui s'occupe maintenant de la production du podcast. Ouais. Merci Vincent de t'être occupé de tout ça. Merci de me remercier et merci à l'équipe de Radio Kawa de m'avoir aidé pour cette intégration là puisque je n'étais bien sûr pas tout seul. Quoi de neuf depuis la dernière émission? Alors cet été, qu'est-ce qu'on a fait cet été avec Ophélie, du la coup. Plage. Non, bah non, pas de plage justement. Non, voilà. On a travaillé une journée à la limite. Mais non, on n'a pas pris de vacances. On a travaillé à fond sur Montpellier Discovery pour qu'il sorte le 1er septembre, non? Ouais, début septembre. Début septembre. Voilà. C'est même plus tellement on était. Ouais. En vacances et voilà, ça s'est résumé en gros à ça. Et pour ma part, du coup, j'ai repris les études début septembre aussi, tout en même temps, et pas grand chose d'autre. Tu étais l'année dernière en licence pro jeux vidéo, et du coup cette année tu es en master art plastique, c'est ça? C'est ça, option jeux vidéo. Ah, il y a l'option jeux vidéo toujours. C'est ça. D'accord. On fait des projets, on fait des jeux, mais on est toujours dans la sphère de l'art contemporain. Ok. Voilà. Ok. Ouais, puisque du coup pour il y a un master 2 dédié aux jeux vidéo à l'université Paul Valéry de Montpellier, mais avant d'y accéder, il faut passer par un master 1 un petit peu moins dédié aux jeux vidéo. Alors c'est ça. Et le master 2 c'est concepteur jeux vidéo, et en fait ils prennent un peu de toutes les filières, mais c'est vrai que quand on a fait un MA art plastique avec les mêmes professeurs, on a l'habitude de leurs demandes. Donc voilà. Ça me semblait un passage obligatoire. Ouais. Qui d'autre veut prendre la parole? Vas-y Ben. Quelle nouveauté pour moi cet été? Ben, j'ai beaucoup bossé. J'ai bossé notamment sur la campagne de financement participatif de Guerre Prod, le Ulule, du coup. Voilà, j'ai bossé sur un autre jeu aussi qui s'appelle Sersail, et dans l'émission du pitch, d'ailleurs, j'étais venu en parler. Effectivement, le jeu est sorti entre-temps, Sersail. Tu prononces beaucoup mieux que la première fois. Ouais, non, ouais, je me suis entraîné, en fait, j'ai dû le dire un peu. Les compliments de Marie. Mais oui, et oui, le jeu est sorti depuis le 18 septembre, je crois, si je ne me trompe pas de date. Et voilà, il est disponible sur Steam, Itch.io et sur plein d'autres stores grâce à nos partenaires. Félicitations. Et oui. Merci. Bien. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps? Pendant les vacances, en fait, j'ai fait des petits boulots à droite à gauche histoire de gagner un peu de sous. Et là, pour attaquer la rentrée, en fait, par rapport à ce qui m'était arrivé en fait fin d'année dernière, donc sur Arashi, je travaillais avec un développeur Unreal qui s'appelle Sylvain Morin. Mais en fait, comme le projet, on avançait dessus en étant en soi bénévole et pas payé sur le projet. C'est ce qui se passe sûrement sur beaucoup de projets du genre. On se retrouve avec un manque d'argent tous les deux. Lui qui bossait à côté sur d'autres projets pour d'autres futurs studios a eu l'opportunité de travailler avec un studio qui se montait réellement. Et donc moi forcément, moi qui ne peux pas le payer, je ne veux pas lui empêcher de prendre une opportunité avec un salaire décent en CDD ou CDI quoi. Donc en fait simplement notre collaboration s'est arrêtée là. Mais ça fait que moi en fait je ne veux pas reproduire ça. Donc pour cette rentrée, j'ai préparé un peu mieux mon coup. Donc là je suis allé voir pour commencer à aller chercher des financements réels. Donc à partir de la semaine prochaine, moi j'ai un rendez-vous avec une banque dont je ne citerai pas le nom pour l'instant. Futur partenaire. Futur partenaire, bien sûr. Et donc pour se renseigner un petit peu sur comment on pourrait travailler ensemble sur un prêt, qu'est-ce que la banque peut m'apporter en plus comme soutien ou quoi. Et en plus de ça, j'ai regardé par rapport aux aides qui sont dans le jeu vidéo. Et notamment, il y a une aide qui m'intéresse pour commencer, c'est l'aide à la création de prototypes. En gros, avec le prêt bancaire, j'amorcerai ça comme ça pour lancer un proto et pour redéfinir un nouveau prototype par rapport au game design que j'ai fait l'année dernière avec Sylvain, justement. Et donc, amorcer vraiment les choses sérieuses cette année, quoi. Donc ça s'appelle l'aide au prototypage du CNC. Ouais. Effectivement. Donc je crois que c'est jusqu'à 15-20 000 euros, je crois. Mais fais attention parce qu'elle ne se cumule pas avec l'aide à la pré-production ensuite. Ouais, mais après ça. Et tu peux pas, t'es un peu plus limité en termes de budget que tu peux te demander. Bah, de toute façon, je verrai. C'est en fonction de justement. C'est pour ça que je prends des rendez-vous bancaires actuellement. C'est pour voir comment je peux goupiller ça pour optimiser un peu les prêts et les financements que je peux avoir, quoi. Ouais. Mais n'hésite pas à le faire ensuite. Ah ouais. Non mais toi, t'as touché l'aide, tu reviens voir les banques pour avoir un peu plus. Etc. Ouais, mais effet de levier. C'est ça. De toute façon, je pense passer par Pushstart à un moment pour avoir deux trois avis. C'est qui? Il veut des subventions. Non, mais simplement parce que Pushstart, enfin, il y a quand même pas mal de gens qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi. Et il y a plein de gens qui ont fait des dossiers. Ouais, rien que pour avoir de l'aide là-dessus. Après, moi, enfin, simplement là, je commence, je teste, je tâte un peu le terrain, donc c'est pour ça, quoi. je compte pas, enfin j'attendais un peu de voir comment ça pouvait se passer avant d'aller chercher de l'aide à droite à gauche. Ok. Voilà. Bah, du coup, ça sort quand, Arashi? La question qui fâche. Ah, toujours mal. Ça sort pas tant que j'ai pas des sous. Très bien. On peut ça même plus dire juste. Pareil avec mon Poly Discovery. C'est sorti, merde. Ouais. Mais c'est pour ça qu'elle peut se la péter, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, bah, merci. En parlant de Push Start, justement, donc Push Start, l'association des professionnels et futurs professionnels, si j'arrive à bien le dire, du jeu vidéo en Occitanie, a fait son assemblée générale au début du mois de septembre. À la fin du mois de septembre. Du coup, Marie et moi avons été et Ben et moi avons été élus et réélus au conseil d'administration. Donc, c'était sûr, hein, je fais une bataille en même temps sur deux représentants étudiants. Qu'est-ce que je veux dire? Moi, il y avait du suspense au professionnel. Vite fait. Donc, du coup, Marie et moi sommes les représentants étudiants de cette année et voilà, on va probablement le mois prochain vous discuter des projets que l'on fait pour cette association là. Ça pourrait être intéressant. Également de travailler le podcast de Push Start. C'est un peu ça. Comme Amalgame à son temps. Mais à son temps, attends, ouais, c'est bien de dire. Attends, je vais me faire virer après. C'est dépassé Amalgame. C'est fini. Ça va bientôt revenir, tu vas pouvoir retourner à la maison bientôt. Oui, je sais pas si t'as capté, mais on récupère les anciens d'Amalgame. Ouais, je sais, un par un, les invités, les chroniqueurs. Ouais. On passe ici, mais on aime bien venir, c'est bien. Faut encourager la jeunesse. Vous êtes tous vieux maintenant, ça y est. On a quasiment plus de membres qui ont moins de 30 ans, donc forcément. Ah oui, c'est vrai. C'est dur, non? C'est dur. Ouais. Mais pourquoi également je vous parle de ça? En fait, c'est très intéressant. Enfin, c'est très intéressant. N'hésitez pas à faire partie d'une association, à vous investir dans de l'associatif. Vous pouvez, en tant qu'étudiant jeune développeur, vous pouvez le mettre sur votre CV, enfin, en tant qu'étudiant jeune développeur, ou même si vous êtes plus âgé, etc. Parce que, simplement, dans un CV, voir que vous faites de l'associatif, ça sous-entend que vous êtes capable de donner du temps et de l'énergie à un projet qui ne vous rémunère pas. Et du coup, c'est plutôt bien vu. Donc voilà, n'hésitez pas à vous investir dans les associations qui pourraient vous intéresser. Également, Ben, tu as assisté à la remise des diplômes de Créageux. Effectivement. Et tu as vu les projets qui avaient été réalisés sur l'année dernière. En fait, pas tout à fait les projets. En fait, ils ont présenté les projets des 3e année, des 2e année et des premières années. Parce que chaque année, il y a un certain nombre de projets en fonction des équipes. Et du coup, j'étais là en tant que président de Push Start. Président de Push Start, parce que je n'ai pas encore tout à fait choisi. Mais oui, c'était intéressant de voir le niveau de Créageux et de voir les productions. Production de l'école, en plus ils sont vachement nombreux, je crois qu'ils sont, je voudrais pas dire de bêtises, mais ils sont une petite centaine, je crois, au total. Ils ont rempli une petite salle de cinéma. Toutes les promotions en fait. D'accord. Et là, il y a du coup, il y avait ceux sortants qui venaient récupérer leur diplôme, donc c'est aussi l'occasion de faire un peu un tour, de voir où était chacun. Quelques-uns qui étaient partis dans des studios prestigieux, d'autres qui étaient sur des projets indépendants. Ils ont lancé leur une association en fait pour porter les projets en fait des étudiants ensuite sur Steam ou sur des stores. Donc c'est intéressant de voir une école faire ça et de proposer aux étudiants de travailler ensuite sur les projets qui voudraient terminer à la fin de leurs études. Après, je sais que pas mal d'écoles font ça justement. Les écoles de jeux vidéo, elles servent un peu de pouponnière d'entreprise aux futurs projets, donc elles leur fournissent des locaux. Enfin, je sais pas si c'est ce qu'ils font à Créageux du coup. C'est ce qu'ils font à Créageux en fait. Ils fournissent les locaux, les ordinateurs pour travailler, etc. Et donc, du coup, tu peux travailler sur le jeu en attendant la sortie sur je cite Steam, mais ça peut être différentes plateformes quoi. Bientôt Discord, apparemment, j'ai vu passer la news. Discord allait faire plateforme de jeu. Je savais pas. Ils ont raison. C'est logique. Ça peut créer un petit marché quand même. Steam a commencé à faire une grosse mise à jour sur les channels de discussion aussi, donc c'est bonne guerre. Donnant. Mais alors du coup, effectivement, quand vous avez la chance de faire partie d'une école qui présente vos projets, met en avant vos projets lors d'un événement en particulier auquel des professionnels de l'industrie sont conviés, c'est dans votre intérêt d'aller discuter par la suite avec les professionnels de l'industrie qui sont conviés, comme je vous l'ai dit. C'est d'ailleurs un retour assez intéressant parce qu'avec Pushstart, on est relativement invité à pas mal de remises de prix de diplômes et on est là pour vous rencontrer, venez nous parler, on mange pas, on peut vous conseiller, on peut vous dire ah bah tiens, tu cherches un stage, tu cherches un boulot, bah ça tombe bien, je suis sur telle prod, j'ai besoin de tel profil, est-ce que c'est ça, bah voilà, et allez-y, restez pas, enfin si vous restez timide et que vous nous parlez pas, ben du coup ben vous réduisez vos chances de trouver un boulot ou de trouver un stage ou de continuer ensuite dans l'industrie quoi. Et profitez d'un Ben président de Pushstart, vous aurez pas plus bisounours. C'est vrai. Surtout moi je mords pas. Le pire qui peut vous arriver c'est un câlin. Également, du coup, bien, j'ai vu que tu t'étais lancé dans le challenge Inktober. Tu voulais que j'en parle un petit peu. En fait, Inktober, déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit challenge qui dure surtout le mois d'octobre, comme la contraction du mot. C'est un peu le même principe que Movember, où il faut se faire pousser la moustache pour dénoncer, enfin, pour aider à la collecte de fonds pour je sais plus quelle association. Ben, tu as pris de l'avance pour ça. Ah, ouais, j'ai des années. Et bah, du coup, Inktober, c'est un peu le même principe, mais pour fédérer en fait une communauté d'artistes autour du dessin, de dire vous faites un dessin par jour tous les jours d'octobre à l'encre, enfin théoriquement il faut le faire ça à l'encre sur du papier en fonction des thèmes qui sont imposés, mais le but étant vraiment de dessiner tous les jours, c'est ça le principe, c'est juste prenez du temps pour faire un dessin tous les jours, ça vous entraîne. Et si vous voulez, j'ai la petite liste là que je peux vous lire vite fait en français. Donc il y avait, je vous lis dans l'ordre sans pause, il y avait Vénéneux, Tranquille, Rôti, Incantation, Poulet, Salivé, Fourbu, La Star, Précieux, Écoulement, Cruel, Baleine, Protégé, Horloge, Fragile, Angulaire, Gonflé, Bouteille, Roussi, Cassable, Drainé, Coûteux, Boueux, Haché, Épineux, Élasticité, Tonnerre, Cadeau, Double, Secousse, Tranche. Wow. Ça va ? Comment tu te sens ? T'es tout rouge là. Ouais, j'ai fait un exercice de diction fantastique. Bah, je vous ai dit en français, mais normalement le concept est parti d'Angleterre comme souvent. Donc vous avez donc ça c'est la traduction, vous avez pareil en original en anglais. Il y a plein d'autres listes il y a plein d'autres listes sur différents thèmes, Halloween, où il y avait personnages féminins aussi, enfin les thèmes c'est simplement pour avoir un fil conducteur quoi, pas à chercher pendant 10 ans qu'est-ce qu'on dessine, là on a le thème, bon ben voilà tu dessines dessus, tu fais un petit truc. L'important c'est même pas de réaliser un truc beau, l'important c'est juste de le faire pour s'entraîner en fait. J'ai vu que ça avait été détourné aussi, il y a le Blocktober pour les game designers, ouais. Où il faut empiler des blocs Unity et selon un thème, je crois que c'est ça. Pas forcément, tu fais du design. C'est de montrer un level design par jour. T'as participé toi un peu Marie ? Le Inktober je le fais dans mon coin pour m'entraîner. Et le Blocktober je voulais tester, ouais, ça a l'air marrant quoi. Bah viens poster sur le Discord du Pushstart. Ouais, ouais. Bah, j'ai vu tes petits dessins, du coup c'est cool. Et y en a vraiment des gens talentueux, venez sur le Discord de Pushstart, c'est cool. Et après même pas besoin de talent, hein. Enfin moi je sais que je mets mes dessins je me fixe 20 minutes pour pouvoir tenir le mois. Et honnêtement il y en a, je les trouve vraiment pas famés du tout, mais bon. Ouais, mais pas hésiter, c'est sans jugement, c'est juste voilà. Non, c'est ça, c'est pour se prêter au jeu, à l'exercice. Donc, comme je dis, l'important c'est juste de le faire. Et puis, il y a une vidéo de Groomy, notamment graphiste sur le jeu Splasher, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Artiste Autodidacte, qui a sorti une vidéo récemment qui s'appelle Quantité versus Qualité, dans laquelle il démontre, il explique pourquoi parfois il est plus intéressant de faire de la quantité que de la qualité, ce que l'on a tendance généralement on a tendance à dire le contraire d'habitude. Voilà, dans le cadre de Inktober par exemple, c'est intéressant puisque tu le dis, Guillain, toi tu t'accordes seulement 20 minutes par dessin. C'est pour tenir le mois justement, parce que je sais que si je passais une heure, deux heures par jour sur un dessin, je tiendrais pas tout le mois. Voilà. Et c'est à la limite, vaut mieux que tu fasses ça comme ça et que tu arrives à tenir le challenge jusqu'au bout, parce qu'en fait l'intérêt pour le coup de faire de la quantité, c'est que en dessinant tous les jours, vous allez vous améliorer à force de toute façon, alors que si votre objectif c'est un objectif de qualité, vous risquez de vous décourager assez vite finalement. Donc vaut mieux vous fixer un objectif de quantité voilà, momentanément pour gagner en compétences, et également d'ailleurs pour alimenter les réseaux sociaux, ça crée du coup un rendez-vous régulier. Voilà, et vous pouvez gagner du coup des followers, et ça peut vous motiver justement à continuer. Ça peut même faire gagner des jobs en fonction. Hein. Mm-hmm. Je pense qu'il y a pas mal de patrons qui peuvent voir passer un dessin comme ça, qui se dit putain. Je vais voir cet artiste, qu'est-ce qu'il fait. Du coup, je vais voir, je fouille un peu. Ah, mais je le veux dans ma prod. Je pense que ça doit arriver. Ouais, carrément. Mais en plus, sur des thèmes qui peuvent être intéressants sur certaines prods, tu te dis, ah bah tiens, il a bien réussi, je sais pas, un champignon, j'ai besoin de... d'un concept artiste qui me fait des champignons, voilà, je sais pas, je prends un thème. Meilleure référence du monde. Ouais, je pensais à Mario, mais bon, ça va. Mais oui, clairement, postez-les sur les réseaux sociaux, n'ayez pas peur. De toute façon, je pense que les communicants en nous ne pourront que vous dire que la fréquence de poste est encouragée. Donc allez-y, foncez. Un poste tous les jours, c'est très bien. On t'a tenté, Ophélie ? Tu vas faire un dessin par jour maintenant ? Non, mais moi, j'ai pas ce talent, moi. Mais, franchement, je sais pas dessiner. T'as pas besoin de talent pour. Justement, ouais. C'est juste question de t'entraîner un peu. Et ben ouais, je vais essayer. Tu peux faire des bonhommes bâtons, tu sais, ça passe. Ouais, ouais, ok. Carrément, tu fais juste des petits trucs humoristiques avec des bonnes bâtons. Franchement. Ouais, trucs humoristiques, c'est bon. Moi, ça me fait plaisir de voir ça à chaque fois. Mais alors, typiquement, l'objectif quantité par rapport à l'objectif de qualité, il est particulièrement intéressant si vous jugez que vous ne savez pas dessiner. Parce que si vous mettez un objectif de qualité et que vous n'arrivez pas à le faire, ouais, comme je vous l'ai dit, vous allez très vite vous décourager. Alors qu'au moins, si c'est un objectif de quantité, bon, votre dessin, il est fait et vous en faites un autre le lendemain et vous allez finir par vous améliorer tout de même à un moment donné. Voilà. Me concernant, du coup, comme je l'ai évoqué en introduction, j'ai sorti des vidéos sur une chaîne YouTube qui s'appelle L'étudiant JV, dans laquelle je donne des conseils donc dans cette série de vidéos à propos du portfolio, donc comment construire un portfolio efficace, que l'on soit game designer, programmeur ou artiste, pour taper dans l'œil des recruteurs. C'est pareil, une chaîne que je vais essayer d'alimenter de façon régulière, mais voilà, entre les études de Henry Try et Push Start, etc., j'avoue que j'ai bien eu du mal à trouver du temps pour. Ah, ça va, on mélange pas trop les sujets. C'est ça. Je pense que l'on a fait le tour. On va peut-être discuter plus en détail de Montpellier Discovery. Ok. Aïe. Alors, juste avant, on va se faire une petite pause musicale. Et il s'agit d'une musique de ton projet Arachig. De mon projet étudiant. Donc, c'est la musique de Main Theme, qui est celle dont découle toute la musique de tous les niveaux. Donc, qui a été composée par Luc Journeau. Et on vous laisse écouter. Vous rêvez de créer votre propre jeu vidéo, de rejoindre un studio, ou bien vous avez juste envie de découvrir ce qui se passe de l'autre côté de l'écran ? Adrien, Jade, Antoine, Gugli et leurs invités vous dévoilent les arcanes du développement de jeux vidéo une fois par mois dans The Game Makers sur Radio Kawa. Et c'était donc le main theme de Arashi, composé par Loïc Journeau. La petite ja. Vous êtes tellement habitué à donner des noms de compositeurs américains. Bref, qu'est-ce que je veux dire? Oui, Montpellier Discovery, du coup, j'ai plein de questions pour vous, Marie et Ophélie. Alors, la première qui me vient, c'est comment s'est créé votre studio Corscope? Alors, au tout départ, il y a... Oui, alors, de manière générale, d'où est venue l'idée du projet, etc. Voilà. C'est pas Marie-Aimée. Quoi Non, au tout départ, il y avait un challenge qui s'appelait Transforme ta région. Et des gens sont passés dans les salles de cours en disant, voilà, il y a un challenge, la métropole, la région veulent mettre en avant le numérique à Montpellier. Et en fait, on a décidé de se rejoindre avec une personne qui s'appelle Florian Benedo et Ophélie. Et on avait exactement la même idée de projet. On adorait Montpellier, on adorait les escape games, ouais. Et on avait envie d'utiliser une nouvelle technologie. Donc on s'est rejoint sur le projet, on a rejoint d'autres personnes pour essayer de faire le jeu de notre envie. Et pour participer au challenge Transforme ta région, du coup on a participé en mars de cette année, 2018. Mars. Et c'est ça. Et on a remporté le challenge. On a remporté des tablettes Asus. Et on a remporté, enfin voilà, Les tasses. Le quoi? Des tasses, l'université aussi, des stylos. Je suis pas sûre que c'est... Ouais, voilà. Ouais. Et sinon, des rendez-vous avec des incubateurs aussi. Mais bon, ça passe en dernier, bien sûr. Non, c'était bien. Et on a pu rencontrer la métropole, on a pu rencontrer pas mal de gens de Montpellier. Et ensuite, on a décidé de continuer et de se mettre à travailler vraiment sur Montpellier Discovery. Pendant tout l'été, pendant des mois finalement. Ouais. On était tous étudiants, donc on avait la possibilité de faire ça sur nos heures de cours, notamment, à part cet été où on a décidé de prendre notre temps et de finir l'appli. Au lieu d'aller à la plage. Au lieu de... non, c'est pas. Faux. Non, franchement, quand tu vois Marie, elle a pas trop bronzé. Super, merci beaucoup. Je suis ravie d'être ici. Avoue que tu n'es pas bronzée. Non, oui, effectivement. Je sais plus si on a évoqué au cours de ce numéro-là le concept de Montpellier Discovery. Alors, tu veux le faire, Ophélie? Ouais, alors c'est un jeu. Wow. Voilà. Merci. Non, alors c'est une application, déjà, et c'est un jeu qui vous permet de découvrir Montpellier autrement, en fait. Et vous pouvez le découvrir comme vous voulez. Vous pouvez... en fait, il faut résoudre des énigmes, et au fur et à mesure, vous avancez dans la ville, et vous pouvez... il n'y a pas de chronomètre, donc vous pouvez le faire, vous arrêter, aller boire un café, aller boire une petite bière, et puis reprendre le jeu. Vous pouvez aussi jouer sans réalité augmentée, donc pareil, allez vous asseoir, boire une bière, encore une fois, voilà. C'est aussi accessible. La consommation d'alcool est dangereuse. Pour la santé. Montpellier Discovery est aussi accessible pour les handicapés, d'où le mode sans réalité augmentée et pour les personnes n'ayant pas de téléphone adapté à cette technologie. Nous, ce qu'on voulait faire à la base, c'était vraiment un jeu, donc on a scénarisé le tout, on a mis des cinématiques et on a fait une histoire, et donc on se balade dans Montpellier en résolvant des énigmes et en connaissant de plus en plus l'histoire. On a deux parcours. Un parcours adulte que Vincent, Guillain, Ben, Ophélie et moi-même avons essayé. Oui. et un parcours enfant que Ben, Ophélie et moi-même avons essayé. Oui, parce que je suis très enfant. Voilà. Et on en reparlera après, mais c'était quand même quelque chose d'épique. Les petites souris. C'est ça, exactement. Donc voilà. C'est le pitch du jeu. Ouais. Et je rajoute aussi que l'histoire, du coup, dans l'application, dans le jeu, c'est basé sur la vraie histoire de Montpellier. Donc du coup, le premier parcours pour les adultes, ça revient sur l'époque médiévale, sur la peste à Montpellier. Mmh. Bon après, en soi, c'est aussi pour enfants. Enfin, il n'y a rien de très compliqué. Alors pour les enfants. Ouais. Non, les playtests ont prouvé que non. On va dire. Moi, j'ai eu un peu de mal aussi. Il faut quand même savoir que Vincent m'a appelé. Je comprends pas ça. Mais mais je crois que c'était justifié. Non, c'était un problème technique pour le coup. C'est ça. Mais alors du coup, effectivement, moi j'ai fait seulement le parcours adulte je l'ai fait avec une amie. Puis c'était super cool parce qu'en fait, du coup, on a découvert. Enfin, mon amie a découvert. Et moi, je connaissais déjà le lieu parce que j'étais déjà allé avec toi. C'était à la Tour de la Babote. Exact. Voilà, et puis donc on a découvert ce truc-là, enfin, surtout elle. Et c'était sympa. Alors, pour le coup, on y est allé alors que tous les bars et tous les commerces de la Tour de la Babote étaient fermés, donc c'était un petit peu dommage. Mais au moins, on a eu connaissance de ce lieu-là, et puis on n'hésitera pas à y retourner. Et puis, effectivement, l'application, du coup, est a également un volet éducatif, puisque ça a été l'occasion d'apprendre pas mal de choses. Et j'ai trouvé les énigmes à la fois pas trop compliquées, pas trop dures non plus. C'est-à-dire que c'est typiquement, je trouve, le genre d'énigmes calibré pour que des parents les fassent avec leurs enfants, en fait. J'ai trouvé que c'était plutôt bien joué là-dessus. Alors on a des game designers, donc Capucine Nicolas et Florian Beneteau, qui ont pas mal travaillé sur le fait que ça soit adapté à tout public. Ils ont fait essayer des trucs incroyables, des trucs beaucoup trop compliqués, des trucs beaucoup trop faciles, et on a essayé de trouver l'entre-deux, et je trouve qu'ils ont fait vraiment un bon taf là-dessus. Mmh. Oui, effectivement, l'équilibrage était assez intéressant. La direction artistique aussi est belle. Enfin, ouais. Ça, on n'a pas trop mentionné, mais moi, quand tu ouvres l'application, c'est un des premiers trucs que tu remarques. Le début est scénarisé. Et quand on est sur l'application, tout fonctionne très bien ensemble et on s'attache très vite à l'univers, en fait. C'est un peu dans un style cartoon, papier, animé. Et ça aura un petit aspect familial qui peut bien marcher. Donc si vous avez rien à faire ce week-end avec vos enfants, vous téléchargez Mon Petit Discovery. Merci. Alors pour la direction artistique, c'est Rémi Bordet qui a maintenant une boutique en ligne. Il fait des posters qui sont incroyables. Il est vraiment très talentueux. Super cool. Ouais. Du coup, c'est Disappointed Optimist. Ça, voilà. Sur Insta aussi. Sur Instagram. Ouais. Voilà. Et en fait, on avait cherché pendant super longtemps une direction qui soit à la fois adaptée aux enfants et aux adultes. Alors, il y avait une grande problématique, c'est qu'il fallait que ça se voit avec le soleil sur l'écran. Mmh. C'est pour ça que c'est rouge pétant. Ah. Mais voilà, on a eu pas mal de trucs comme ça. Il fallait que ça soit assez original, mais que ça reste dans les tons du rouge. Enfin, on a eu pas mal de problématiques et pour le coup, il s'en est super bien sorti. On est très content de son travail. Mais c'est vrai qu'en fait, tu réfléchis pas forcément à un truc comme ça quand tu joues, mais pendant le développement, tu vois, ça fait partie des petits tips auxquels il faut penser, quoi. Ouais, on a fait d'autres applications, on a fait des playtests d'autres applications où on s'est dit, mais on voit que dalle parce que le soleil, quoi. Et aussi, pendant que vous avez pu tester, vous vous êtes sans doute rendu compte que les lieux étaient pour trois quarts ombragés, à part le passage où vous êtes sur la comédie, mais à la tour de la Babotte, c'est ombragé. Toi, t'as peut-être pas pu tester, mais voilà. À l'église Saint-Roch, c'est ombragé et on peut toujours s'asseoir. On peut toujours mettre en mode sans réalité, et augmenter et s'asseoir. Et c'est fait exprès pour pas être essoufflé. Et je confirme que pendant les playtests, on était contents, puisqu'il faisait 40 degrés, qu'on le faisait 15 fois par jour et que c'était très agréable. Ah, effectivement, c'est une fonctionnalité dont j'ai également profité. Et puis, comme tu le disais, donc, c'est aussi une fonctionnalité qui rend le jeu accessible aux personnes en situation de handicap, mais c'est également une fonctionnalité qui rend le jeu accessible aux personnes qui n'habitent pas Montpellier. Exact. Ouais. Donc c'est clairement un plus, c'est bien d'avoir ajouté le coup. J'ai fait tester toute ma famille qui habite à Clermont-Ferrand, mais vous pouvez quand même et tout. Concernant la direction artistique également, du coup c'est beaucoup de graphisme en low poly, de modélisation low poly, etc. Je trouve que c'est une bonne idée aussi, puisque vous n'aviez pas un budget, j'imagine, digne d'une production triple A. Du coup ça permettait ces modélisations low poly, en fait, d'avoir un rendu qui ne faisait pas cheap, qui essayait de faire quelque chose de photoréaliste et sans y arriver, mais quelque chose du coup qui fonctionnait plutôt bien. Alors sur ça, on a eu deux problèmes. Déjà, personne n'est modélisé dans notre équipe. Du coup, j'ai appris sur le tas, waouh, c'était incroyable. Enfin, on a tous un peu appris et en plus, les téléphones supportent extrêmement mal la 3D et les lumières. Donc, on a un peu tout joué sur, effectivement, c'est du très low poly et c'est seulement les textures qui rendent le truc un petit peu sympathique. Voilà, on a fait un peu comme on a pu et je suis contente que ça marche, du coup, ça fait plaisir. Voilà. Et alors justement, le financement, comment avez-vous financé la production de cette application? J'adore ce genre de questions. Est-ce qu'on a financé? C'est quoi votre business model? Alors, arrêtez. On vous vole votre temps de sommeil, vous faites un jeu, c'est tout. C'est ça. Alors voilà, au tout début, on voulait être financé par la métropole et la région, parce qu'on fait un jeu pour les touristes. Il a toussé très fort, il a fait exprès. Je suis désolée, je me suis raclé la gorge. Et ça s'est pas passé exactement comme on voulait. Mais on a décidé de faire ça quand même parce que déjà on était étudiants, donc ça marchait très bien. Et en plus, on a eu de l'aide de Paul Valéry qui nous a prêté des locaux pendant des mois. Et ils veulent nous en reprêter maintenant, donc ils nous ont toujours soutenus. Ils nous ont aussi permis de faire de la communication papier puisqu'on a participé au MAGS, le Montpellier Anime Game Show. et à l'ESL. À l'ESL, où on a pu présenter le jeu et avoir une communauté grâce à ça. Et donc Paul Valéry nous a aidé là-dessus. Et ensuite, on avait un petit partenariat avec l'Opéra qui nous a financé deux, trois choses. Mais ça tourne surtout autour de la communication. Ah, parce que d'ailleurs, il y a un parcours qui est dédié à l'Opéra. Alors exactement, il y a un parcours qui est dédié à l'Opéra. Spoiler, vous êtes prêts, en exclu, il va y avoir une appli pour l'Opéra qui sort bientôt, la semaine prochaine. Ouh. Dédiée à l'Opéra. Vous n'arrêtez pas. On s'arrête jamais. Ça va peut-être s'appeler Opéra Discovery. on en reparlera, Ophélie. Et du coup oui, on a fait un petit parcours pour l'Opéra en réalité augmentée. J'en parlerai plus tard. Et en échange, ils nous ont un peu aidés sur la production de Montpellier Discovery. Mmh. Alors le but étant non pas de se faire de l'argent avec une appli qui n'a pas de pub, qui est gratuite et en tout point. Non, ça ne marche pas, on ne se fait pas d'argent grâce à ça. Par contre, c'est... Vous ne faites pas d'argent du tout, en fait. Écoute, quand même. non, zéro. Et du coup, nous, ce qu'on voulait faire, c'est faire Montpellier Discovery, montrer ce qu'on était capable de faire et ensuite proposer ça aux institutions, ce qu'on est en train de faire et ce qui porte ses fruits pour l'instant. C'était ça, notre business model. Ouais. tu les as piégés avec une application. Et... Ils y ont It's a trap. Ouais, exactement. D'ailleurs, oui. Il n'y a pas de partenariat qui a été fait avec des commerces, des bars, etc. C'est Ophélie qui va en parler. Ouais, si ça a été fait, c'est pas encore intégré dans l'application. D'accord. Voilà, donc ça va venir avec aussi des boutiques de jeux. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu dans l'application, mais on vous donne une adresse. Elle est cachée dans la lettre à la fin, et c'est une adresse réelle, voilà. Et donc, il faut s'y rendre pour voir ce qu'on y trouve là-bas. Et non, après, ouais, avec les restaurants, et pour proposer justement des réductions aux joueurs, quoi. Et du coup, bah, les joueurs vont dans les restaurants, ils s'assoient, ils jouent, et enfin, restaurant, bar, café. C'est aussi ce qui fait... avec des bières. Non, après, voilà, ça s'appelle Montpellier Discovery. Il y a des bières dans le trailer, je crois. Et du coup, bah, ça fait partie aussi l'ambiance, les restaurants, les bars, il y en a beaucoup à Montpellier. Ouais, c'est vrai. Et ça fait partie de Montpellier, donc Montpellier Discovery. Ouais, c'est cohérent. Ouais. On va faire un parcours spécialement dédié à la bière, en fait. Ouais. On va faire de la bière en réalité. Pré-test, quoi, tu veux. Vous faites le parcours intégration étudiante bientôt. Alors on l'a fait avec PrépaFac. Ouais. Ils ont utilisé notre application pour montrer la ville aux étudiants. C'était pas un parcours dédié. Non, c'était ils ont utilisé l'application pour montrer Montpellier aux étudiants. D'accord. Non, moi je te parle de faire un parcours d'intégration. Ouais, à base de bière, donc ouais, oui, non, moi ça me plaît comme idée. Ça un me plaît parcours beaucoup. D'alcoolique. Oui, parfaitement. Tourner des bars. Et n'oubliez pas à consommer avec modération, tout ça. Oui, ouais, tout ça. On ne répète pas jamais assez. Ouais. Et du coup, pour revenir à ce que disait Ophélie, on y a pensé. On a même été. Enfin, Ophélie a été démarchée. Seulement, on n'avait juste pas le temps de l'intégrer. C'est pour ça que pour l'instant, ça n'y est pas. Ah. Mais ce n'est pas exclu. Bah oui, puisque effectivement, comme le disait Ophélie, ça me paraît plutôt cohérent d'intégrer ce genre de choses à l'application. On évoque. J'avais une question par rapport au challenge en fait que vous avez rencontré. Alors tu expliquais que par exemple la couleur rouge pétante est née du coup de ce besoin de visibilité même avec le soleil qui tape sur l'écran. Quel autre challenge avez-vous rencontré pendant le développement de cette application? Un maximum. Alors la réalité augmentée déjà. On part sur une base de challenge bien puissant parce que on n'a jamais voulu mettre de QR code à n'importe quel endroit. On a tout voulu faire avec les problématiques de l'environnement de Montpellier, c'est-à-dire que vous avez pas testé, je crois, la tour de la Babote. Du coup, t'as pas pu tester. C'était le parcours peste. Oui. Je sais pas quoi. Mais t'as défié la fenêtre. Perfidie, merci. Enfin, c'est fallu utiliser l'air ou pas? Ouais. Ouais, non, j'ai pas utilisé. Voilà. Mais en fait, on a trouvé plein de petites astuces pour mettre de la réalité augmentée, même sur des murs, des fois. Et ça, c'était vraiment un challenge technique très poussé qui nous a posé problème jusqu'au bout. Parce que s'il y a trop d'ombre, s'il y a trop de lumière, il y a plein de soucis là-dessus. Mais jamais on a voulu mettre d'installation dédiée. Donc ça, c'est notre plus gros challenge. Deuxième challenge, c'est le fait qu'on développe sur mobile. Donc la réalité augmentée, du coup, ça pompe pas mal sur le système du téléphone. Mais en plus, il fallait faire du low poly, comme je disais tout à l'heure, avec très peu de light, parce que c'est pareil, le framerate baissait rapidement. Et les soucis de temps. Alors parce qu'on est jeune et qu'on est très insouciant, on a très mal estimé le temps. Faut quand même savoir que l'appli devait sortir en juin. quand j'y pense, ça me fait doucement rire. Ah, ça va, je crois que j'avais annoncé une date de sortie pour Arachi, moi. C'était quand? Je veux pas dire. Mais on s'est quand même bien planté, on voulait sortir pour cet été. On avait très mal estimé les choses, mais ça nous a bien servi, enfin ça nous servira pour plus tard. Sinon, une autre problématique. Après 2 mois de retard, c'est pas... C'est pas énorme pour une programme. C'est pas énorme, hein. Ouais. Non, mais après septembre aussi, c'est bien pour sortir l'appli. Hein. Oui. Bah, c'est la rentrée et les nouveaux étudiants. On a pu la sortir tranquillement sans la pression des touristes, et ça, c'est pas mal. Mmh. Et l'année prochaine, il y aura peut-être des touristes qui vont tester ça. Et sinon, qu'est-ce qu'on a rencontré comme problème? Bah, c'est tout. Hein. La prod parfaite. C'était facile. Ah, si, bah, on est passé de. On a des locaux au télétravail. Ce qui est une adaptation particulière où on doit... on a une équipe très soudée, où on se parle très souvent et on travaille en méthode agile. Donc ça progresse petit à petit, on fait attention à la vie d'un peu tout le monde, on essaye de se débrouiller. Mais en télétravail, c'était pas évident. Ça va être compliqué à ce niveau management. Bah, c'est exactement ce que j'allais dire. Du coup, vous étiez tous étudiants, c'était pas galère de pallier aux deux? Si, mais après on se disait on a cours là, on a ça à faire. Moi j'avais mon mémoire à écrire au début de l'été, finalement je l'ai pas rendu, mais un jour à l'arrivée elle dit voilà, oui, il y a des priorités, mais donc voilà, et quand j'avais besoin d'écrire mon mémoire, je leur disais, et ça se passait bien, hein. Ouais, c'est ça. Alors on s'est toujours adapté. Nous, il faut savoir que nos professeurs nous ont beaucoup beaucoup soutenus et ils nous ont autorisé à prendre de nos heures pas de cours, parce que voilà, on a fait notre stage là dessus on a fait notre projet tutoré sur Montpellier Discovery. Ils nous ont vraiment laissé pas mal de liberté. Donc ça a été difficile à gérer au début, et au final on s'en sort bien, quoi. Ça a été cool. Et en ce qui concerne la hiérarchie de votre équipe, chef suprême, Marie. Alors au début j'étais chef de projet, et après non, en fait il y avait une hiérarchie tout au début, parce qu'on était encore une fois novice et qu'on avait besoin d'un cadre. Donc j'étais chef de projet au tout début. Et ensuite, on a commencé à se partager les rôles et à être plus ensemble sur toutes les décisions. Donc là, à l'heure actuelle, c'est fini, hein. Je suis plus chef de projet. Je suis je regarde un peu tout ce qui se passe. J'ai une vision globale des choses, parce que je touche un peu à tout. Donc j'excelle dans rien, mais je touche à tout. Et du coup, Oh, elle est mignonne. T'es trop modeste, Marie. Elle est très mignonne. Mais du coup... Elle a raison. Merci. Arrêtez, je suis gênée. Et du coup, ouais, la hiérarchie, elle y est plus vraiment, et ce qui est très agréable, parce qu'on a confiance les uns envers les autres, et du coup, il y a moins de pression. J'avoue qu'au tout début, j'avais un peu trop la pression de s'il y avait un truc qui marchait pas, ça retombait sur moi ou quoi, j'étais paniquée. Alors que maintenant, voilà, on en discute tellement que ça glisse tout seul. Et vous l'avez pas vu, mais c'était mignon, parce qu'elle agitait les bras. Oh mon Dieu. Non, mais ouais, du coup, c'est une organisation, on va dire, horizontale un peu. C'est ça. Mais du coup, je pense que... Enfin, corrige-moi si je me trompe, mais moi, c'est ce qui s'est passé quand je travaillais sur mon projet étudiant, mais à l'école. C'est qu'en fait, on avait une organisation horizontale, mais où chacun avait son domaine de décision, en fait. C'est où, ça. Moi, j'avais... Enfin, il y avait quand même une espèce de mini-hiérarchie, quand même, selon les domaines. Mais moi, par exemple, j'avais la décision sur les choix fondamentaux artistiques, et quelqu'un qui bosse avec moi, qui s'appelle Martin Testard, avait les choix fondamentaux en game design, avec d'autres selon les sous-domaines qui avaient le dernier mot en fonction du domaine qu'ils faisaient, quoi. Alors, y a personne qui a le dernier mot. Enfin, je veux dire... Si t'as un litige, par exemple, si t'as deux personnes qui sont pas d'accord, que en fait forcément il faut quelqu'un qui tranche, et que en fait selon l'organisation, t'en as un qui a plus de poids dans la décision, donc on prend la décision de cette personne là alors au début c'est moi qui faisais ce rôle là et en fait t'as des gens qui sont frustrés, t'as des gens qui osent pas parler, enfin t'as plein de trucs qui se mettent là dessus donc nous ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on parle jusqu'à que tout le monde soit d'accord et qu'on trouve un compromis. Il y a pas de point d'honneur qui est mis par qui que ce soit. Et tant mieux, ça évite des frustrations, des gens qui disent pas les choses ou quoi que ce soit. Maintenant, on prend les décisions ensemble. Du coup, effectivement, Capucine, par exemple, est game designer, donc sur les idées, c'est elle qui les propose. On en discute, mais elle ne dira jamais « Bon, je suis game designer, c'est comme ça, et puis... » Non, c'est pas dans ce sens-là que je te dis ça, c'est plus sur décision un peu plus... tu vois, pas juste « Bon, il y a une petite idée qu'on intègre ou pas. » C'est plus un truc où t'as un vrai litige. Au sein de l'équipe, et que, en fait, c'est qui a le, qui peut mettre un dernier mot pour pas bloquer le projet, quoi, par exemple. Moi, c'est dans cela que je pose la question. Eh ben, c'est délicat parce qu'on s'est pas trop confronté à ça, en fait. Non. Vous êtes la prod parfaite. Non, alors pas du tout. Non. Et puis les débuts étaient rudes, terriblement rudes. C'était cool aussi les débuts. Hein. On rigolait beaucoup. Et après, on s'est fâchés. Et après, ça allait mieux. Comme des enfants. Mais oui, pour le coup, c'est pas qu'on est la prod parfaite. Et on passe des heures à discuter de petits problèmes. Ouais. Ce qui peut paraître super crispant pour certaines prods. Je pense qu'ils supporteraient pas ça. Moi, j'aime bien cette façon de fonctionner parce que même si on prend du temps, au final, les choses sont réglées et tout le monde, il est content. Donc ça me va bien. Et tout le monde, il est gentil. Il est gentil. Ouais. Bah, tu vois que tu parles comme ça. Ah oui, gentil. Oui, d'ailleurs, le nom de votre studio, c'est Corscope, mais à ne pas s'y méprendre, vous n'êtes pas une scope. Non. On était censé en être une, ça nous a fait beaucoup rire. Parce que Corscope, du coup. Mais non, on n'est pas une scope. On est encore une association, et je pense qu'on va le rester un moment. Et si on change de statut, ça serait pour devenir une scope. Pour le coup. Parce que du coup, on a une hiérarchie horizontale, ça marcherait bien. Ouais. Sur la scope, ça conserve la hiérarchie horizontale. Alors, il faut savoir que quand on est une association, si on veut garder les droits du produit, on n'a pas vraiment le choix, on doit passer en scope. Une association, bah, y a les membres du bureau. Et en scope, voilà, c'est horizontal, c'est pas des actionnaires. Si ? Non, comment on appelle ça ? Bon, on est tous à égalité. Des associés, merci beaucoup. Et oui, on est tous à égalité et ça reprend un peu le principe de ce qu'on a déjà à Corscope. Voilà. Et du coup, on va peut-être y passer pour des problèmes juridiques, mais on aimerait rester le plus possible en association parce que ça marche bien. Ok. Pardon, je suis malade. qu'est-ce que je veux dire ? La communication, justement. Je trouvais que la communication était plutôt bien passée sur Montpellier Discovery. Alors, on a retrouvé pas. Montpellier Discovery. Je reparle. On a parlé de vous dans le e-métropolitain. On a parlé de vous dans le Midi Libre, je pense. Oui. On a parlé de vous dans, bon, évidemment, à l'université Paul Valéry, sur les réseaux sociaux de l'université. Également, Marie, tu es passée. Tout ça, Philippe va nous dire la liste complémentaire. dans la chronique Hérogamie de notre ami Marion Bardjaki sur France Bleu. C'est plutôt pas mal. Comment, c'est toi, Marie, Ophélie, pardon, qui a été chargée de dégoter. Oui. Ouais. Comment j'ai fait ça ? Ouais. Avec talent. Ouais. c'était long. Après, on a commencé la communication. En fait, au départ, c'était vraiment en interne. C'était auprès des institutions. C'était avec les structures culturelles. Donc, en fait, c'est de la prise de contact. Et ensuite, au fur et à mesure, on discute. Et après, pour les journaux, pour la presse, c'est envoi de dossiers de presse, communiqués de presse, c'est les réseaux sociaux aussi à fond. Et puis voilà. Hein. Au fur et à mesure, après, ça fait longtemps aussi que ça fait depuis février que c'est lancé. On sort l'application en septembre, donc on a eu le temps quand même d'avoir une communauté et en interne de bien se faire connaître aussi. Ouais, et là, il y en a un article qui va sortir sur 01net. 01net, je suis fière. Ouais, c'est le magazine que je faisais quand j'étais gamine. Ouais. C'est trop bien. Et du coup, ouais, il y a aussi l'usine digitale. Ouais. Ça, c'était cool aussi. Et on est dans la newsletter de la métropole. Ouais. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Mais on est content. C'est des petites victoires, quoi. Ouais. Mm. Ça fait toujours plaisir quand Ophélie dit on est passé là-dedans. Et nous, on est content. Ouais, surtout cool. Toi, Ophélie, qui. En fait, c'est ton taf, quoi, concrètement. Ouais, c'est mon taf. Après. Je suis contente pour tout le monde, quoi. Enfin, oui, pour l'équipe, voilà. Ouais. Oui, c'est mon taf. Bah oui, je suis dans contente. Dans le sens où, du coup, tu travailles bien, quoi. Oui, ouais, je suis contente. Mais c'est ton taf, mais en fait, tu es toujours étudiante, c'est ça ? Non. J'étais en Master 2. Ouais. J'ai tout validé, sauf mon mémoire. D'accord. C'est un Master 2 dans quel domaine ? Information communication. D'accord. Parcours, association, culture, association culturelle, publique. Mm-hmm. Ouais, c'était ça. Donc finalement, c'était peut-être je me trompe, c'était ta première expérience pratique dans la communication ? Non, j'avais déjà travaillé en association, mais c'était une association sportive. Là, pareil, enfin, j'étais seule en communication, j'étais responsable de toute la com. C'était compliqué, mais après, ouais, j'ai fait quelques stages, travaillé en web marketing aussi. C'était pas cool non plus. Et c'est pour ça qu'au final, ouais, j'avais envie de faire un truc qui me plaisait vraiment et qui me motivait. et travailler aussi avec une équipe d'étudiants et construire un truc ensemble. C'était vraiment ça ma motivation, ouais. Alors, il faut savoir qu'Ophélie, elle n'est pas juste chargée de com, elle se charge aussi des relations qu'on a avec nos commanditaires. Elle nous a fait connaître... elle est un peu commerciale. Elle fait un peu tout, voilà. Oui, j'ai fait les 6 mois d'école de commerce aussi. Ouais. Elle a gardé la fibre et du coup, elle nous permet d'être mieux connue dans la sphère des institutions. Ok, bon travail. Très bien. On est content de l'avoir. Bravo. Ouais. Marie également, la communication, tu t'en es un petit peu chargée de toi aussi, puisque on t'a vu à pas mal d'événements sur Montpellier. Tu as beaucoup communiqué de bouche à oreille. C'est ça. Si bien qu'à la fin, tout le monde connaissait le projet dans la sphère du jeu vidéo à Montpellier-Rennes. C'est ça. Bah, en fait, du coup, maintenant, je suis partie du CA de Push, mais parce que Push Start. Ah bon t'as voté pour moi, je te signale. Je crois. Oui, par procuration, du coup. Ah, d'accord. Ouais, je suis plus étudiant. Oui, c'est vrai. Ça fonctionne pas. Et du coup, ouais, je pense que pour tous ceux qui nous écoutent, quand on monte son studio, le networking, c'est super important. Même en dehors de ça, on se fait des amis. Et dans Montpellier, oui, j'ai beaucoup parlé de Montpellier Discovery. Et j'étais contente de voir qu'à la fin, une fois, il y a un mec, j'étais trop fière. Il me fait « Ouais, t'es la nana de Montpellier Discovery. » Petite victoire. Oui, c'est moi. Début de la célébrité. Ouais, c'est ça. On t'a jamais arrêté « Oh, t'es la chroniqueuse de Devenir Ultra. » Alors, pas pour l'instant, mais j'espère un jour. Franchement, si vous croisez Marie dans Montpellier, vous lui arrêtez et vous lui dites « Ah, mais c'est toi la super chroniqueuse de Devenir Ultra. » Et après, ils vont me dire « Je veux un autographe de Vincent. » Probablement. Ça m'est déjà arrivé pour Amalgame. De... « Hey, mais c'est pas toi qui fais Amalgame par là ? » Ah bon ? C'est vrai ? Est-ce que t'étais fier ? Un peu. Ouais, tu peux. Quand même. Ouais. Après, je recoulais l'été. Après, c'est maintenant, moi. Les gens t'arrêtent. Ah, c'est toi le président de Pachetart. Ouais, mais ça. Ça, c'est trop. Ça, c'est trop. Généralement, quand les gens ils viennent te dire ça, c'est qu'ils veulent quelque chose derrière. Ah, ouais. Des subventions. C'est vrai. T'es à votre tout de suite. Et juste avant, il vous a dit qu'il mangeait pas, hein, je rappelle. Ouais. Non mais oui, le networking, tu as tout à fait raison Marie, c'est quelque chose à ne pas négliger si vous avez la chance d'être si vous êtes développeur de jeux vidéo, si vous êtes étudiant en jeux vidéo et que vous avez la chance d'être au sein d'un écosystème jeux vidéo aussi nourri que celui de Montpellier ou Paris, vous avez... Metz. La nouvelle capitale du jeu vidéo, c'est Metz. Pourquoi ? C'est un troll. D'accord. Bref, vous n'avez aucune excuse pour ne pas sortir de chez vous, aller discuter avec d'autres développeurs, vous faire connaître, parce que tout simplement, voilà, votre réputation, discuter avec des gens, vous faire des amis, etc., ça ne pourra que vous servir à terme. Il faut aussi savoir qu'on a travaillé avec monsieur Adrien Pellegrini, qui fait les musiques du jeu, qui est élève au conservatoire de Montpellier, et je l'ai rencontré en faisant une game jam. Je me suis rendu compte qu'il était super talentueux, et à chaque fois que j'ai un projet je l'appelle, et je l'aurais pas connu si on n'avait pas fait du networking, si on s'était pas revu, du coup c'est aussi important pour ça, parce que si vous montez une team, si vous montez quelque chose, vous aurez sans doute besoin de gens qui vous entourent, et ça passe aussi par le networking, c'est pas forcément les potes, ça peut être comme ça. Ouais, bien sûr. Également, je me demandais ce que vous feriez différemment si vous deviez refaire Montpellier Discovery aujourd'hui. On en a discuté hier, non ? Oui, on en a discuté hier, autour d'un verre. Moi, je vais dire le bouton retour. Le bouton retour, ouais. Alors, ça, c'est carrément. Ça va être corrigé. Bientôt, tu pourras utiliser le bouton retour ton propre téléphone. Ouais, mais je te jure, je vais rejouer à l'application juste pour ça. Non mais je confirme, hein, pendant les playtests, j'étais là, je regardais les gens faire tout, sauf le bouton retour, c'est marqué quand même retour, hein, sur l'appli, en gros, en rouge, tout va bien, mais apparemment il est pas assez visible. C'est qu'il est pas bien placé. Exactement, à raison. Il est très visible sinon. Et du coup, ce qu'on aurait à refaire, je pense que pas mal de choses, parce qu'on était novices et qu'on a beaucoup appris de nos erreurs. La première chose, c'est qu'on a commencé le projet, on était 5. Donc il y avait Rémi Bordet, le graphiste, Florian Jobert qui était administrateur, secrétaire, il faisait un peu tout, il faisait surtout les cafés, c'était sympa. Il faisait des massages coiffé aussi. Ah, ouais, c'était génial. Et non, il faisait tous les trucs pénibles, la paperasse et tout, et du coup c'était super intéressant. C'est stagiaire, je te tape. Alors ensuite, on avait un stagiaire, Antoine Michelot, qui est très gentil. Très gentil, ouais, super cool. Et en fait, parce que pour un problème d'organisation, pour un problème de personnel, machin, on a perdu Rémi et Florian. C'est toujours mes amis. Hein. Ça change absolument rien. Mais on n'avait pas une organisation de travail particulièrement efficace où ils se sentaient pas adaptés. Et du coup, ils ont dû partir. Du coup, on est toujours copains. Donc ça marche bien, quoi. Mais. On est copains. Avec Alexandre Dissidère. On est copains. Non, on est toujours amis. Donc ça marche bien. Mais j'aurais voulu qu'ils restent jusqu'au bout. Vraiment, quand j'y repense et quand je les revois, je leur dis tiens, c'est con. Ben, on a fait ça, on a commencé ça ensemble. Ouais, c'est pour ça. On a commencé ça ensemble, on rigolait bien, mais le travail fait que la capacité de travail de chacun n'est pas la même et que j'ai eu des fois des moments où je ne l'ai pas forcément compris. Maintenant, je le comprends. Et du coup, c'est ça que je referai principalement. Aussi, les deadlines. Voilà, se calmer sur les deadlines. C'est-à-dire On a... Voilà, trop courte, trop longue, trop courte. Trop de deadline peut-être. Aussi. Non, ben on a fait une période de crunch. On s'est trop avancé en fait. On a trop annoncé et on n'a pas réussi à tenir les deadlines et ça nous frustrait tellement qu'on a travaillé, mais trop quoi pour certains. Et du coup ça par contre voilà, je l'aurais sorti en novembre, mais je referais pas le truc de faire des périodes de crunch. Je conseille à personne. De toute façon, les gens m'avaient prévenu. Je les ai pas écoutés. Quelle erreur. Non, mais en vrai, c'est comme c'est ça qu'on a prévu. Ouais. C'est ça, oui. Je m'avais dit, tu dormiras pas et tu vas regretter. J'ai regretté. Non, mais c'est vrai, sans l'avoir fait, t'aurais pas retenu la leçon. Exactement. Mais non, mais je suis contente de l'avoir fait. Tout ce qu'on a fait, je suis contente de l'avoir vécu parce que du coup, pour la suite, ça va rouler, quoi. Non, mais puis c'est... Enfin, franchement, bravo parce que sortir un jeu quand on est étudiant, on en voit plein qui se lancent dans cette aventure-là et qui réussissent pas forcément. Et donc, arriver. Non, mais c'est pas forcément une critique, hein, mais non, c'est non, aussi mais se planter. C'est juste pour, que c'est pour dur. Faire quoi. Ça, c'est bien. Et donc, quand tu y arrives jusqu'au bout, c'est encore mieux. Et donc, du coup, franchement, bravo, quoi. Ça fait plaisir. En plus, avec du coup une année en licence projet vidéo, alors qu'il y a des étudiants qui sont dans des formations privées de jeux vidéo qui font 3 ans là-bas et qui leur projet de fin d'études ne voit pas le jour non plus. Du coup, c'est d'autant plus remarquable. Merci. Ophélie, toi, qu'est-ce que tu modifierais sur la production si c'était à refaire aujourd'hui ? Sur la production, sur l'application, rien. Sur notre manière de travailler, je pense que je me serais un peu plus démenée pour essayer de nous trouver des locaux pour pas qu'on ait à travailler en télétravail parce qu'on est une jeune équipe et du coup travailler rapidement comme ça en télétravail ça peut être compliqué. Après, franchement j'ai rien à redire en fait. Non, ça, j'ai appris beaucoup de choses. Sur le monde professionnel, mais aussi sur mes collègues, sur moi. Voilà. Ah, il faut quand même savoir qu'Ophélie, à chaque fois qu'on lui montrait quelque chose, elle était là. Mais c'est génial ! Ah, du oui, coup, non, c'était oui, le petit boost moi, de notre journée. Ouais. Tu étais le boost de Jodive qu'il fallait à l'équipe, c'est ça ? Ah oui, quand on était au fond du trou, qu'on n'avait pas assez dormi et qu'on montrait un truc à Ophélie, qu'elle fait oh, je suis fan. Ça nous faisait vraiment plaisir à chaque fois. Bah, je pense qu'il faut toujours quelqu'un comme toi dans un groupe. Ouais. C'est juste pour la motivation. Ah mais carrément. Ouais, bah, j'ai essayé parce que du coup, il travaillait beaucoup et beaucoup plus que moi puisque ça demandait pas les mêmes efforts. Et du coup, mon travail c'était aussi de les motiver. Dès que je pouvais un petit peu les motiver, j'y allais, j'hésitais pas. Ouais, c'est trop cool. Ouais, c'est super agréable, je confirme. Ouais, on évoquait justement la pratique du crunch. C'est quelque chose d'assez douloureux dans une production. Donc le crunch, si vous ne le savez pas, ça consiste en fait à travailler jusqu'à n'en plus dormir, c'est ça, faire des heures de travail indécentes pour arriver au bout d'une production dans un temps imparti. C'est ce qui a valu. Certains articles. Ouais, certains articles de Canard PC, Mediapart et Le Monde à propos de la culture d'entreprise de Quantic Dream l'année dernière, enfin en 2018. Et d'autres studios. Ouais, parce que notamment Quantic Dream. Notamment Quantic Dream. Mais alors oui, il y a un dossier sur Quantic, mais il y a eu aussi un dossier sur Ankama. Il y a eu un truc sur Ankama. Non, il y a rien qui est sorti sur Ankama, mais après tout le studio. Il y a eu des articles. Ouais, enfin il y a Pas tous, mais pas dans les mêmes proportions, mais enfin le parti du crunch est quand même quelque chose d'assez courant quoi dans le milieu. Oui, non, c'est clair, mais je pense notamment à Naughty Dog. Il y a une grosse partie qui était de l'équipe qui était partie à la fin de Uncharted 4, du coup, parce que pour tenir le jeu dans les délais, vu le niveau d'exigence, il y a beaucoup, et c'est un mouvement qui est, enfin, là tu citais notamment des articles français ou des studios français, mais il y a aussi à l'international où c'est énormément, enfin c'est encore moins encadré qu'ici en France. Et du coup, il y a beaucoup de fédérations et d'associations qui sont montées à l'international pour lutter contre ça et pour aider les employés de jeux vidéo à éviter le fameux crunch. Ouais, mais après, c'est clair. Enfin, moi, je sais que je peux comprendre la pratique, pas forcément la valider, tu vois, mais juste la comprendre dans le sens où t'as quand même une industrie derrière, faut faire du bénéfice. On l'a vu récemment avec Telltale qui a fermé. C'est il y a beaucoup de pression par rapport au fait qu'un jeu doit vendre, que plus en fait ça étale sur une durée de production, plus on doit payer de salaire, donc plus il faut des fonds pour amortir. Donc c'est sûr que à ce niveau-là, la pratique se comprend. Après, pas forcément se valider. C'est sûr que si on avait les moyens, je pense qu'on paierait toujours genre mieux pour un travail tranquille, quoi. Mais en fait, c'est ça. Pour moi, le cœur du problème, ça vient du financement du jeu vidéo. Notamment en France, en tout cas, on peut pas payer autant de gens que ce qu'on aurait besoin pour arriver à tenir les délais qu'on peut parfois se fixer ou avoir avec un éditeur ou avoir avec un consolier, etc. Quand tu annonces une date de sortie sur console, c'est toute une histoire pour arriver à repousser la date. Donc forcément, ça met de la pression. Mais après déjà en France, tu viens de parler du financement en France, mais je trouve que déjà rien que par rapport aux aides ces dernières années, je trouve que ça s'est bien amélioré. Ça continue en plus. Rien que l'année dernière par rapport à cette année, rien que la présentation des aides qui donne la vidéo, que donne le jeu vidéo, c'est super clair en fait. Alors que l'année dernière, il fallait quand même plus fouiller, je trouve, alors que là très rapidement, tu tombes sur toutes les aides, toutes les démarches qu'il faut faire et je trouve ça plus simple qu'avant. Il y a notamment le SNJV qui fait un gros boulot sur ça, sur les aides, la sortie des minimi, donc c'est-à-dire la somme minimale que tu es censé apporter pour avoir un prêt, etc., qui fait que ça devient plus facile aujourd'hui de demander des aides, ou ça va devenir plus facile aujourd'hui de demander des aides pour le CNC, etc. Il y a la BPI qui se lance à ça. Enfin bref, c'est un sujet, on pourra en parler des heures parce que c'est un sujet qui est super important, mais en France, on a des problèmes, mais ça va aller de mieux en mieux sur les aides, et notamment une prise de conscience un peu généralisée de nos politiques, ou en tout cas, j'espère, du fait que le jeu vidéo, ça peut être une industrie culturelle comme une autre. Et la pratique du crunch, c'est quelque chose que vous êtes tenté, d'expérimenter également en game jam, mais on vous le répète encore une fois, dormez pendant les game jams. Ne sacrifiez pas vos heures de sommeil pour terminer votre projet le plus vite. Ça ne sera pas forcément meilleur. On en parlera après, je pense, mais j'allais dire, il y a une game pratique. Ouais, on en parlera après. Également, oui, pour terminer sur les crunch, également en tant que joueur, en tant que consommateur, puisque finalement c'est ça. Sur les réseaux sociaux, du coup, également arrêter de critiquer le report d'un jeu, puisque c'est également parce que vous critiquez ce genre de choses que finalement on encourage la pratique du crunch dans les entreprises. Et c'est c'est plutôt bon signe parfois. C'est-à-dire que t'as plus de temps pour travailler sur un jeu, t'as le temps de peaufiner, donc prenez-le avec chouette. Ils ont plus de temps pour sortir le jeu plutôt que je vais devoir attendre 3 mois pour sortir le jeu, pour avoir le jeu entre mes mains, quoi. Ouais. Dans 3 mois, t'auras un jeu qui sera potentiellement meilleur. Ouais, c'est vrai, c'est tout à fait ça. Également, je me demandais, tout en faisant du pied guin, Marie et Ophélie, quelle est la suite que vous envisagez du coup pour Corescope? Alors, vous nous avez dit que vous travaillez sur un projet en partenariat avec l'Opéra. Vous pouvez nous en dire plus sur la suite? Alors, on a travaillé avec l'Opéra pour les Journées du Patrimoine, plus exactement, en faisant un parcours dédié où on avait des petites animations avec des anecdotes sur ils font les débiles à côté, c'est chaud. On avait des anecdotes sur l'opéra animées avec la charte graphique de l'opéra, et on va continuer des partenariats avec des institutions comme ça, en leur proposant soit des visites en réalité augmentée, soit des applications mobiles, tout simplement. Donc on veut être prestataire d'institutions. Ouais, c'est ça, avec les lieux, les structures culturelles ou les villes aussi. par exemple Nîmes. Vous connaissez Nîmes? C'est un hangar. C'est un parking. Ils ont un patrimoine. Enfin, c'est assez. Ils ont tout rénové et c'est vraiment très très beau. Et du coup, je pense que leur proposer des choses comme ça, hyper innovantes, ça peut aussi leur plaire. Bah, surtout que c'est mort Nîmes, donc. Je pense qu'ils ont un patrimoine culturel qui est plus important que celui de Montpellier en plus. Oui, mais par contre, en termes d'activité, c'est mort. Donc, après, si vous pouvez leur proposer des activités à Nîmes, ça, je pense qu'ils en demandent. Ouais, c'est ça. Non, mais Nîmes. Et après, il y a d'autres villes. Il y a puis pourquoi pas se développer aussi à l'international, hein. Clairement. Ça ne pose pas de problème. Tokyo Discovery, New York Discovery. Mais c'est vrai que vous avez un concept que vous pouvez décliner ailleurs. Non, mais par contre, en termes de nom, c'est génial parce que il y a un des concurrents de Montpellier Discovery. On va baptiser. On cite ou pas? Ah oui, tu peux. Enfin, c'est pas vraiment un concurrent. Ils font la même chose. Ils font la même chose. Donc, il y a une approche un peu différente quand même. Il y a une approche un peu différente. Mais bref, ils ont un nom qui est Atlantide, si je ne me trompe pas. Exact. Et qui en fait peut prêter à confusion sur les gens qui vont télécharger l'appli et ils vont pas pouvoir jouer forcément à l'application vu qu'ils ils vont pas se retrouver dans la ville. Alors que vous, quand on télécharge l'application Montpellier Discovery, on comprend de suite que l'application a un rapport avec Montpellier et en fait on se fait pas avoir au moment du téléchargement et en termes de com c'est super efficace quoi. Bah, quand tu verras Dijon Discovery tu sauras que c'est nous. En plus le nom on l'a choisi, on n'a pas beaucoup réfléchi pour le choisir. C'est le meilleur nom alors, pour le challenge. Faut pas. Est-ce qu'il faut vraiment dire d'où ça vient en plus quand même? Alors on était autour d'une table comme ça en train de boire des cafés comme d'hab ou des bières au choix selon l'heure de la journée. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Concernant la modération, ça va être un running gag. mangerbouger.fr. Et il faut savoir que il y a eu le fait venez on trouve un nom de team. Et oui. Et là ouais on va s'appeler. Il y a des noms qui sont arrivés qui étaient. C'est balance les casseroles. Je sais plus. Je ne sens plus du tout. Réalité augmentée. Enfin, c'était des trucs avec réalité augmentée, des jeux de mots, mais faut que je vous les retrouve. Je vous ramènerai une feuille un jour et on va bien rigoler là, ou pas du le tout. Le regard de Ben dit qu'il est en train de chercher un mot. C'est ça. Je le note dans mon esprit pour pas l'oublier. Et puis on avait plus que quelques heures pour participer au challenge. Et puis là, je dis bon, allez au pif, c'est design et tout, c'est Montpellier Discovery. Du coup, voilà. Ils font oh non, c'est de la merde et tout, on gardera pas ça, c'est temporaire. On l'a gardé. Mais au final, on a fait la charte graphique avec. Oui, avec ça. Discovery, donc. Et ça, vrai tips par contre. Si vous voulez pas un nom, ne le mettez jamais en nom temporaire. C'était vraiment. On était dans le timing. Après, il faut quand même savoir que j'étais en train de regarder une série. En même temps qui s'appelait Star Trek Discovery, je pense qu'il y a peut-être légèrement en rapport, mais voilà, ça vient de tout ça. Mais alors tu sais que le nom de l'entreprise de Ben, ça s'est fait sur un générique de Naruto. Hein. C'est vrai. Pour Aline, pas pour moi. Ah ouais. Moi c'était Spider-Man. Oh là là, non mais alors ça par contre c'est pire. Mais non, quoi, j'aime bien Spider-Man. Donc, Spider-Man c'est bien, Spider-Man Homecoming ce n'est pas bien. Oh, il est moyen, c'est pas non plus le meilleur Spider-Man. Mais en même temps les films Spider-Man sont pas non plus des folies. Mais... On parle de ton studio, mais fais la pub du coup. Oui, Homecoming Studio, mais qui a aussi travaillé sur un jeu, enfin pas moi personnellement, mais sur un jeu de dans la ville, pour un jeu Plus Belle la Vie. Yes. Où tu te balades dans Marseille et tu découvres des choses, t'as une enquête à mener et tout. Avec de la réalité augmentée aussi. Avec de la réalité augmentée aussi. Attends, mais du coup, Montpellier Discovery Fit, comment s'appelle l'émission de France 2 là qui se passe ici? Ainsi Grand Soleil, non? Grand Soleil Discovery, bientôt sur vos écrans. Vas-y, propose un partenariat. Non, mais démarchez-les. Hein. C'est vrai. Mais ce qui est rigolo, en France, du coup, en version originale, le titre de la série c'est Ainsi Grand Soleil. À l'international, c'est. Chronicle of the Sun. Genre, ils ont. C'est à l'international cette série. Ah ouais, mais tu sais qu'ils ont du budget de fou. J'ai vu un poster avec un nom américain. Voilà, la région Occitanie a énormément financé tout ça, ce qui me fait un peu mal au cœur. J'ai envie qu'ils financent un peu du jeu vidéo. Mais... Non, mais après, du coup, en fait, ils ont surtout financé les studios qui sont localisés à Vandargue. Vandargue, ouais. Et du coup, après, ça reste des infrastructures. Donc, Non, c'est sûr. Ils veulent pas rénover la. Tropisme aussi. On va avoir des problèmes après. Ok. On vous aime. Hein. Juste aidez-nous. S'il vous plaît. Est-ce que Marie-Ophélie, vous avez des conseils du coup à donner à des étudiants qui voudraient se lancer, je ne sais pas, dans la création de leur studio alors qu'ils sont encore en études Ne le faites pas, fuyez. Alors, si. Ce qui est marrant, c'est que avant d'arriver en L-Pro, j'ai regardé le fameux documentaire Indie Game The Movie. Ah. Vous connaissez? Oui, bien sûr. Et super référence. Ouais. Et du coup, il y en a même deux maintenant. Et j'ai regardé ça, j'ai éteint mon PC, j'ai fait « Jamais je monte ma boîte !» Bon, voilà, en fait, Du coup, elle a monté une asso. J'ai monté une asso. Voilà, donc je veux bien retirer le son. Des conseils. Soyez sûr de vous. Alors, c'est pas... Enfin, soyez sûr de votre projet. Ne vous dévalorisez pas, parce qu'on avait tendance à dire ouais mais on n'est pas des professionnels, c'est nul. Du coup, quand j'ai des petits retours en mode oh ça fait très pro, au final voilà, si on se donne à fond on peut y arriver. Ne faites pas de crunch comme on disait tout à l'heure, soyez indulgent, comprenez les autres et essayez pas d'imposer vos choix à tout le monde, ça ne marche jamais. Et si vous avez une team qui vous suit, surtout sur des projets qui sont pas financés, gardez-les quoi, ils valent le coup. Ah ouais, je pense. Après, je rajouterais justement penser au financement et penser par petite victoire en fait. C'est ça. Faites vos étapes de projet comme si chaque étape était une petite victoire en soi. C'est ça. Et puis, ah oui, grand conseil, commencez les playtests dès le départ et pas vers la fin. C'est une erreur qu'on a regrettée beaucoup. Plutôt vous prototypez, plutôt vous faites tester, mieux c'est. Exactement. Et c'est pas grave si ça fonctionne pas, c'est le but d'un playtest. Ouais. Tu te souviens, c'était la phrase que je te disais. Oui, bah tu... Attends, des fois tu me disais, bon, ça marche pas, c'est nul. Ah. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et t'as J'étais un peu testeur, exemple. Ah oui, c'est vrai. Il a même réussi et tout, c'était incroyable. Pas tous les succès, par contre. Ouais. D'ailleurs, quand tu commences le truc et... Il y a un petit succès, selon si tu décroches ou pas, ça m'a beaucoup fait. C'est notre préféré, celui-là. Tu peux lui raccrocher la gueule, elle est pas contente. Mais en parlant de ce personnage qui nous appelle dans le jeu, l'ami avec qui j'ai fait le parcours m'a dit, et je trouve que c'est effectivement le cas, que c'était le sosie de la super nanny actuelle, celle qui... Oh, c'est vrai. Ouais. Ah, c'est incroyable! Parce que moi, tout le monde me dit, putain, mais elle fait peur! C'est vrai que les gens. Moi, je trouvais qu'elle ressemblait à Marie. Mais... Ah, c'est super, allez! C'est gratuit. Ouais, c'est gratuit. Gratuit. Merci beaucoup. C'est les blagues de Tonton Ben. Fais gaffe, on va en faire une chronique. Ou un jingle, pire. Un jingle. Ben, moi, j'ai pas d'autres questions. Quelqu'un autour de la table a-t-il quelque chose à rajouter sur. Vous étiez combien, du coup, au total, sur le projet? Ça trash talk. Alors, non. On a été 3 au départ, puis ensuite 5, puis ensuite 8, avec des gens qui venaient d'histoire médiévale, de M2 jeux vidéo. Ensuite on a été 5, ensuite on a été 4, et ensuite on a été 3. Mais c'est juste des changements d'horizon, et on a eu beaucoup d'aide, notamment de la traduction qui a été faite par un professeur parce que l'appli est traduite en espagnol, en anglais et en catalan. Et bien sûr, nativement en français. Et nativement en français. Ouais. Et peut-être en portugais, en italien bientôt, si on est chaud. Et du coup, on a un professeur qui nous a aidés, mon frère aussi qui a traduit pas mal de choses en anglais. Et plein de gens qui sont intervenus pour nous donner des petits coups de main. Aussi notre sound designer Adrien qui a été là, voilà, plus en mode freelance, à dire on disait ouais on veut ça et il le faisait. Aussi on a eu tous les acteurs pour les trailers. Et après c'est pas la chef. Non, ah oui c'est vrai. Oui le trailer, parce qu'Ophélie a travaillé sur un trailer que vous pouvez retrouver sur YouTube ou sur Facebook. Et du coup des acteurs qui nous ont permis de faire ce trailer qui est bien sympa. Du coup, on était nombreux. Et on a eu beaucoup d'aide. On était bien entourés. Ouais. Ouais. Voilà. Toujours. Il faut. Ouais. Ok, bon, plus d'autres questions? Non. D'accord. Tu voulais, du coup, on va clore le sujet. Et Guillaume, tu voulais parler des games pratiques? Ouais, simplement qu'on parlait de Game Jam. Du coup, ça m'a fait penser qu'il y a la game pratique qui arrivait bientôt. Je sais pas s'il reste encore des places. Ça m'étonnerait. Vu que ça a commencé en même temps, c'est. Ouais, ça commence. Ouais, c'est sûr. Ah ouais, en fait, ça a commencé maintenant, oui. Ouais. Ouais, ça a commencé ce soir à 17h. Ouais, j'ai tendance à oublier qu'on est vendredi soir tard. Ouais, mais alors en fait, du coup, ça, si vous nous écoutez en direct, ça a un intérêt, mais si vous attendez, si vous écoutez en podcast, c'est passé. Hein. Vous pouvez venir en tant que bénévole, soutenir. Mais la remise des prix qui sera En cours de semaine, je l'assure. 18, je crois. Je crois ça. Okay. En tout cas, on rappelle que Fête des Game Jam, c'est cool. C'est comme ce dont on parlait au début, Fête de la quantité. Donc avec plein de Game Jam, et comme ça, vous apprendrez plein de trucs. Et juste dormez, parce que sinon, si on fait plein de Game Jam et qu'on dort pas. On meurt. C'est ça. Ouais. La remise des prix, c'est le 18 octobre, du coup, à Montpellier, pour ceux qui sont présents. Ceux qui sont sur place. Je vous laisse à chacun, à tour de rôle, faire votre auto-promo. Alors, il y a. Vas-y. Vous l'avez fait pendant une heure, donc je pense qu'il y a plus que ça à faire. Mais enfin, voilà. Et donc, moi, je suis sur Arachi, aller voir le trailer, et je galère un peu cette année en tant qu'entrepreneur du jeu vidéo. Donc, ça avance doucement, mais on commence à poser des briques un peu solides. Donc, voilà, ça avance. Arrachez le jeu sur Facebook. Petite pub pour Push Start, du coup, c'était pour ça. Il y a l'apéro jeux vidéo qui se passe le 30 septembre au Black Sheep. 30 octobre. C'était presque. Le 30 octobre au Black Sheep. Et venez boire des bières, c'est sympa. Et vous verrez plein de gens du jeu vidéo. Mais tant qu'on est sur Push Start, je vais enchaîner avec le calendrier de Push Start, parce qu'il y en a deux autres événements qu'on est sur le point d'annoncer. Le 23 octobre, à l'espace French Tech à Montpellier, il y aura une conférence sur le marketing et la communication par Mylène Lourdel, qui a travaillé notamment chez GOG, Google Games. Et qui fait également partie de Radio Kawa. Justement. Je m'apprêtais justement à le dire sur quelques podcasts. Pardon. Minuit 69 notamment. Et le 25, en partenariat avec Women in Games, on fait la retransmission de ce qui se passe au Paris Games Week. Et avec des interventions normalement de femmes dans l'industrie ici à Montpellier, et une petite rencontre plutôt tournée autour de la mixité. Et du coup, le 30, le fameux apéro jeu vidéo pour du networking. À consommer avec modération. À consommer avec modération, l'abus de bière et d'alcool est dangereux pour la santé. Mangerbouger.fr. Ouais, Ophélie. Alors moi, pas d'actu à part Montpellier Discovery, donc restez connectés, il y a plein de choses super cool qui vont arriver. Et sinon, je travaille à mi-temps chez Undies, si vous voulez venir me voir, il n'y a pas de soucis, voilà. Ah si, un petit dernier mot sur Searsile, du coup, on entendra parler en intro, qui est disponible sur Steam et GOG, non pas encore GOG, j'ai pas dit ce qu'il fallait, c'est pas vrai, il est pas encore dispo. Non, sur Itch.io, je voulais dire, pardon. Et du studio Novabox, c'est un super visual novel et aidez-les parce qu'ils ont besoin de soutien. Et d'ailleurs, ça me fait penser que Montpellier Discovery, on ne l'a pas précisé, mais est disponible actuellement sur appareil Android et plus tard sur iOS. Hein. C'est ça. Ouais. Ok, quant à moi, du coup, vous pouvez me retrouver sur Twitter @Vincent_Aros. Et vous pouvez également me retrouver sur YouTube, du coup, à l'adresse de chaîne L'étudiant JV. Je promets de sortir une vidéo prochainement. Je pense que ça sera sur le networking, justement. Fais gaffe quand t'annonces ça maintenant. Non, ouais. Il a dit prochainement, ça lui laisse un champ là. Ouais. Du coup, je vous remercie. Alors, je commence par remercier Arnaud qui est à la technique. Merci Arnaud. Merci encore à Ophélie et Ben d'avoir été nos invités. Avec plaisir. Ouais, avec plaisir aussi. Merci à Marie et Guillain, comme d'habitude, d'avoir été là avec moi pour faire cette émission. Merci à toi. Et on va remercier Vincent pour. Merci pour l'invitation. Pour tout le travail qu'il fait pour Devin Retry. Parce que, en fait, vous voyez pas, mais c'est lui qui travaille beaucoup dans l'émission. Il a plein de papiers encore sur la table. Merci. Ouais, merci. Mais ça, il s'améliore parce que là, il a pas de papier, il s'est pas perdu dedans, il s'est présenté et il n'oublie pas de faire toute la fin. Et il a cité Kingdom Hearts à un moment. On est bon. C'est une bonne émission. C'est bon. Je vous souhaite du coup bonne soirée à tous. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. Bye. Au revoir. Bisous. Bye. We'll be right back.